de l'influence des passions sur le bonheur des individus et des nations. Avant-propos. On pensera peut-être qu'il y a de l'empressement d'auteur à faire paraître la première partie d'un livre quand la seconde n'est pas encore faite. D'abord, malgré la connexion de ces deux parties entre elles, chacune peut être considérée comme un ouvrage séparé. Mais il est possible aussi que, condamné à la célébrité, sans pouvoir être connu, j'éprouve le besoin de me faire juger par mes écrits, calomnié sans cesse et me trouvant trop peu d'importance pour me résoudre à parler de moi, j'ai dû céder à l'espoir qu'en publiant ce fruit de mes méditations, je donnerai quelque idée vraie des habitudes de ma vie et de la nature de mon caractère. Lausanne, ce 1er juillet 1796.